suis ton client et ma bonnie. J'ai l'écaille qui la tenue. Les écoute pas, c'est Tommy. Laisse les parler, c'est gratuit. Bonnie cache mon brodique. Si je me fais péter par les flics, la rue n'avait rien à m'offrir. À part une plaquette que j'ai frise. Sous le matelas, tu trouveras une Celia. T'iras t'habiller où tu veux. Sortirai du placard comme une Selma. On ira faire la guerre à deux. Bébé monte dans l'Audi, ça remplace le pilotis. Je vais pas te dire que je t'aime, mais je te laisserai piloter. Ma Bonnie m'a connu jeune, quand je traînais dans la zone, y'avait pas encore de love. Je me comportais comme un faux. Oh là là, ma Bonnie. À dedans, à chop, on va récidiver. Promis. J'ai cru plus, c'est folle, c'est toi que j'ai visé. À dedans, à chop, on va récidiver. Promis. J'ai payé la dot et tu l'as mérité. Oh là là, ma Bonnie. Faire des ronds à la chicha. Viens, on se barre de là. J'ai de vrais tuyaux vers Marbella. Après, on ira où ça tente. J'ai deux cascarailles dans le 530. J'ai rangé le mauve dans la sacoche. J'te dirai les mots pour que ça touche. Bébé, monte dans l'Audi. Ça remplace le pilotis. J'vais pas te dire que je t'aime, mais je te laisserai piloter. Ma Bonnie m'a connu jeune. Quand je traînais dans la zone, y'avait pas encore de love. J'me comportais comme un faux. Et tu l'as mal.